Qu'est-ce qu'on a dit pour ce présent? Où t'habites, où 52. t'habites, t'as Merci quel 52 âge, c'est quoi ton nom de Ah famille? oui, je sais, Mathieu, donc tu m'appelles. C'est Radio 52. Moi je m'appelle Gorka. C'est Cassandra. On est Kick et Flûte, on est Seb et Gab. Je m'appelle Gwendoline, je m'appelle Melia. Moi, bonjour, c'est Mathieu Mourier. Bonjour, je m'appelle Nolan Lucas. Je suis né le 27 décembre. À propos de l'orchestre embarqué, avril 2023. Qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien manger des crêpes. Et donc nous, on fait de la musique. Moi, je fais de la clarinette, Sabi fait des machines. Et on fait de la musique, donc on va dire de l'électro-clarinette endiablée ou du reggaeton techno-hardcore ou quelque chose voilà, de très enjaillant comme ça. De la musique de fête, de la musique voilà, peu barrée, déjantée. Et on a envoyé notre musique au Renard Pince en 2018. Ça fait déjà un moment. Et donc, on a rencontré le directeur et on a fini par travailler avec eux. On a fait des résidences là-bas. On avait tout un processus pour eux qui est de professionnalisation de musiciens, puisque c'est une SMAC, une salle de musique actuelle. Donc, nous, on est rentré dans ce dispositif-là. Et ils font aussi, en tant que SMAC, des actions culturelles. Et donc, les actions culturelles, ils font ça dans différents établissements scolaires, sur leur territoire, quoi. Et donc, vu que nous, on passait pas mal de temps au Renard Pince, donc, à un moment, ils nous ont proposé, ils nous ont dit, bah, est-ce que ça vous dit de faire de l'action culturelle? Sachant que c'était pas obligatoire. On était accompagné fortement, économiquement et matériellement par le RUN. On aurait pu dire non. C'était pas, l'accompagnement n'était pas dépendant du fait qu'on dise oui ou non. Voilà. Et c'est du coup Solène qui est en charge de l'action culturelle du Renard Pince qui est venue nous voir en nous disant, bah, je le propose pas forcément, mais... Est-ce que ça vous dit de discuter de cette possibilité-là, quoi? Ouais, voilà. Et du coup, alors, et ça qui était intéressant pour nous aussi, c'est qu'ils avaient une posture très ouverte et très libre par rapport à l'action culturelle. C'est qu'ils ne nous demandaient pas des diplômes, ils ne nous demandaient pas d'avoir même peut-être une réflexion là-dessus. Enfin, ils nous demandaient juste de. Alors, c'était assez. Je me rappelle très bien ce qu'ils nous disaient, mais il faut que ça fasse partie de votre projet musical. Ils disaient, vous faites en tant qu'artiste. Musicien, un projet, et il faut que ça vous serve à vous. Voilà, donc ils ne nous demandent pas de faire une pédagogie ou d'imaginer quelque chose de très précis. Et donc nous, on est arrivé avec ce truc-là, on est arrivé avec cette idée-là, avec cette. Et puis nous, par ailleurs, quand même, une envie de partager notre musique, de rencontrer bah, les gens qui. Enfin, là, au début, c'était des lycéens. C'était à Pont-de-Buis, donc au lycée mécanique et carrosserie de Pont-de-Buis. Donc on arrivait avec cette envie-là de partager. Et puis comme on avait participé à des luttes autour de la poudrière à Pont-de-Buis, on s'est dit, ah c'est génial, on va parler des questions d'armes de la police avec les jeunes. On leur en a parlé et bon, ça les a pas beaucoup intéressés. Mais quand même, c'était l'idée au départ. L'intitulé de l'atelier qu'on a fait, c'était le son des armes, la place du son des armes dans le rap, en gros. Et l'utilisation des samples de bruit de flingue, de revolver, de rapport à la violence, à partir de la musique rap ou de des musiques rap. Et du constat que leur lycée était à moins d'un kilomètre d'une usine de fabrication d'armes, et notamment de LBD. Et ça n'a pas du tout pris. Ça a vraiment. Mais ça a donné lieu à plein de discussions chouettes. Hein. Mais au final, on a fait un morceau avec eux. Mais qui Mais parlait c'était pas de une ça. Accroche qui permettait bah, de discuter autour de musique, et puis autour de thématiques que nous, qui nous intéressent et qui nous touchent. Et voilà. Et puis d'avoir une accroche avec eux. Donc on a fait tout ça. Et après, c'était très, très décousu à cause du Covid. Donc on avait une séance par-ci, une séance par-là. Et donc, bon, on a fini par arriver à faire ce morceau, à faire de l'écriture, à faire des ateliers d'écriture, à faire du rap, etc. Mais voilà, bon, c'était une première expérience. L'année d'après, je sais plus comment ça s'est Et ben fait. moi, je me rappelle très bien, parce qu'on était au Rennes et il y a quelqu'un qui faisait, pendant que nous on faisait cette action culturelle au lycée, pendant sur la même période, qui faisait une action culturelle, de l'action culturelle avec l'IME à Carrelaz. Et on était à côté et j'ai discuté de ça avec Solène. Et en fait, moi, ça m'a interpellé. Parce qu'il se trouve que moi, ma mère, elle était musicothérapeute. elle a travaillé dans un externat pour handicapés pendant une vingtaine d'années. Et donc, elle a fait de la musique avec des handicapés pendant très longtemps. Moi, j'ai beaucoup passé de temps là-bas quand j'étais petit. Et en fait, quand j'ai entendu qu'ils avaient des projets avec l'IME, ça m'a tout de suite beaucoup parlé. Et en fait, on a été voir Solène et on lui a dit hey, « mais là, on a fini avec les lycéens, l'année prochaine, on peut recommencer avec l'IME ?» Et elle a dit « Ouais, d'accord. » Le premier projet, c'était une batucada électro. Donc notre idée, c'était de leur faire jouer des percussions, d'avoir des claviers sur ordinateur et de construire avec eux un métallophone. Moi, je pratique le tambour en manif et puis dans des spectacles aussi que j'ai fait. Et puis, c'est trouver des instruments accessibles. C'est sûr que souffler dans un instrument avant ou taper sur un piano, c'est autrement difficile que de taper sur un tambour. Donc, de se dire, voilà, comment faire un instrument acoustique qui soit accessible. Et pareil pour l'électro, bah on avait les claviers et que aussi ça c'est notre truc tous les deux aussi moi je fais de la clarinette et puis Sabi fait des machines, donc on aime bien cette alliance de acoustique et électro. Moi, pour le coup, ça a beaucoup donné de sens à ma pratique de la musique, de faire ça. Et à un moment donné où on faisait des concerts et des machins et des trucs, et c'est cool et tout, et puis d'arriver à cet endroit-là qui est complètement différent, qui demande de se positionner comme praticien à un autre endroit, qui a un autre rapport à un autre public. Enfin, aujourd'hui, ça me semble un peu comme un impératif pour se déplacer, pour pas être tout le temps au même endroit dans sa pratique, quoi. Pour pas être tout le temps aussi, parce que faire des concerts, c'est un peu genre la représentation. Enfin, il y a un truc qui est quand même assez discutable ou critiquable, j'en sais rien, ou questionnable en tout cas, dans comment on se met en scène, comment on se produit, quelle place sociale on prend quand on fait des concerts et tout ça. Et que là, du coup, dans la pratique de l'atelier, il y a vraiment autre chose qui se joue. Et qui est, je sais pas, plus humble aussi, ou je sais pas, ou plus. Qui, moi, m'équilibre par rapport à ma pratique musicale. On a commencé à mettre en place un peu des manières de faire qu'on a repris aussi cette année, parce que cette année, du coup, on est reparti sur un autre projet. Et donc, nous, la méthode qu'on a, enfin, on a, c'est pas créé, mais en tout cas, on avait des petites méthodes comme ça, c'est de faire des petits rituels quotidiens qui sont répétés. Donc, on fait une météo en général le matin. On se demande comment on va, qu'est-ce qu'on a pensé aussi de ce qui s'est passé hier, comment on a envie de continuer, voilà. Et on fait des échauffements et on fait un samouraï. Ils vont faire un sang quand on On se passe comme ça une énergie et on fait ah, et puis l'autre qui est en face il fait ah, il lève les mains et puis les deux autres à côté ils font ah, et voilà, et c'est un jeu marrant et qui permet de voilà de se mettre ensemble et d'un peu dans une énergie collective. Bah, juste pour rebondir là-dessus, on a été pioché quand même, je trouve, dans nos habitudes de fonctionnement collectif, au-delà des ateliers, en fait, quand on a pu participer à des collectifs d'habitation, à des collectifs de ci ou de ça, ces pratiques-là de météo, de prendre un peu attention à comment ça va, comment ça se passe, régulièrement sur la durée de l'atelier, d'avoir des trucs un peu dans le corps, des trucs un peu formalisés aussi comme ça, c'est des choses qu'on a choisi de mettre là parce que c'était important pour nous, parce que c'est des choses qu'on a fait par ailleurs, dans d'autres endroits, quoi, du travail collectif. Quand on fait les ateliers, on essaie vraiment d'être même s'il y a des fonctions, des déterminations qui font qu'on n'est pas tous au même endroit, dans cet atelier, on essaie quand même d'avoir une espèce de nivelage, de casser au plus possible les hiérarchies et nous d'intégrer le groupe avec les jeunes, avec les éduques. Alors que c'est sûr que quand on est tous les deux et qu'on arrive, j'en sais rien, dans un festival, dans un lieu de résidence et tout ça, on est un groupe plus isolé, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, les distinctions, elles sont plus marquées aussi, quoi. Là, il y a la volonté de faire aussi plus commun avec les gens. Ouais. Dans ces autres rituels, il y a l'écoute. En revenant de repas, on écoute des morceaux de musique en étant tous couchés, et pour comme ça on digère. Et puis nous, en général, à ce moment-là, on met des morceaux assez calmes, de musique classique ou de musique trad, ou voilà, des morceaux assez calmes. Et on finit souvent la journée par une boum. Ouais, on a écouté des musiques au tout début, ici. On a écouté la musique pour la Coupe du Monde de 2010. Kim V à Tahiti. On a écouté cela. Et une autre musique. Ah ouais, Et après, une autre musique. Une musique de bizarre pour ces musiques de Stéphanie. Il y a plus de la musique, mais ça ne chante pas. Shakira. Il y avait les trois cafés gourmands. On t'emmène aussi. Ah oui. Sur ce truc d'échange, d'écoute, de musique, on a même déjà avec les lycéens, et puis l'année dernière avec les jeunes de l'IME, et cette année à nouveau, on a toujours pris beaucoup de temps pour leur faire écouter de la musique qu'on aimait bien, et qu'eux nous fassent écouter de la musique qu'ils aimaient bien, et pour créer un peu du commun. Et avec les jeunes, par exemple, du lycée, moi j'écoute beaucoup de rap, Gab aussi un peu, peut-être t'en as écouté pas mal, et du coup on a eu vachement de discussions aussi à des moments donnés sur « Ah, mais t'aimes bien tel rappeur, ou t'aimes bien telle rappeuse, mais pourquoi, mais ah, et tel morceau, machin ». Enfin, on a bien rigolé aussi à des moments où des fois c'était un peu trash et tout, mais c'était dans un échange, fabriquer un peu du commun aussi. Et avec les jeunes de l'IME les dernières, c'était pareil, quoi. On leur disait, bon, bah, ramenez-nous chacun 2-3 morceaux que vous aimez bien. Puis nous, on faisait ça et puis on écoutait un morceau de, je sais pas moi, un morceau de Jul, un morceau de John Zorn, un morceau de Kin V et un morceau de hardcore hollandais. Et on écoutait les 4 morceaux à la suite et après on discutait, ah ouais, bah, alors celui-là il est comment, ah, celui-là il est comme ça. Ah, les paroles et tout. Et ça servait autant pour après des exercices de rythme ou des exercices de... Mais aussi pour échanger et se mettre aussi un peu au même niveau, quoi, de mettre nos musiques, de ne pas valoriser nos musiques qui seraient plus mieux ou moins. Enfin voilà, ça m'apparaît assez important aussi ces temps-là, quoi. Et aussi de pouvoir faire différentes choses à partir de ces musiques-là. Danser dans les booms, faire un exercice de rythme, ça faisait un truc un peu, je sais pas, simple aussi, quoi, comme porte d'entrée, quoi. La musique qu'on écoute au quotidien. C'est pas idéal, idéal. Oui, t'inquiète pas, on va pas. Alors bon, le projet de cette année, c'est l'orchestre embarqué. Et là, on a rajouté beaucoup de théâtre et de déplacements collectifs. C'est une pièce de théâtre et un peu de musique. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? On a des cloches. Des petites cloches pour enfants. On fait un bruit, enfin un son, comme ça. Qui ont des notes do ré mi fa sol la si do. Puis du coup, moi, j'écris des petits arrangements comme ça. C'est très simple. Hein. Quant à la mélodie, il faut attendre que ce soit fini. Ah, mais moi, les cloches, j'aime pas ça, moi. De faire tout le temps ça, Là, c'est vraiment. C'est que ça, on fait que les cloches, il n'a pas des autres musiques. Comme la batterie, comme l'auditeur. On a fait les cloches en duo. Deux personnes qui prenaient les mêmes cloches et qui les faisaient sonner au même moment. Ça va. C'était synchronisé, ça. Oui. Il faut savoir écouter le son pour qu'il persiste jusqu'au bout, le faire ensemble. Ça demande quand même beaucoup de dextérité, en fait, de jouer ensemble et tout. Et ça, c'est génial. Enfin, dans sa simplicité, dans sa... et en même temps, ouais, dans quelque chose de collectif, c'est hyper beau. Et il y aura un train. Ça parle de voyage. C'était pas du tout prévu au début. Et maintenant, c'est un truc central quoi, dans le truc de fin. Annonce de gare. La petite Stéphanie est attendue à l'accueil. Le train pour Cornet de Frites arrivera à 32h72. Veuillez présenter avec vos valises, votre pièce d'identité, votre cargaison, votre bonnet, et laissez votre colère à la gare. Si vous apercevez Vincent, merci de l'enfermer dans les soutes. Le fauteuil rouge de Jean-Christophe l'attend sur le quai numéro 9¾. Attention de ne pas écraser sur Coralie, qui est tombée par terre en passant la serpillière. Merci à Scooby-Doo de l'excuser pour la scène occasionnée. En fait, avec les dessins qu'ils ont fait et qu'on a fait, et ben, ils ont mis des textes à propos des dessins qu'on a fait. Vincent, je suis reconnu avec tes dessins. C'est vrai? Tu sais, avec tes maisons que tu as laissées sur le champ, c'est une bonne idée. C'est exactement pareil, il est très fort. Je vais le montrer, attention, en direct. Ah ouais, mais j'ai pas raconté que des bêtises. Hein. Non, j'avais pas oublié, je savais que j'avais ça. Alors, on a encore des montagnes sous la mer, là, si vous voulez. Et la ville Cornet Frites aussi, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Il y a bien une taupe en retard pour son train vers la ville Cornet Frites. Ah bah ouais, ça. Ah là, j'ai rien inventé. Avec un diamite. Ah oui, c'est bon. C'est moi qui... Ah voilà, j'avais tout prévu. Non, je retrouve pas les trucs de Vincent. Je les ai accotés. Elles sont peut-être exposées quelque part dans un musée. Ouais, à Google Maps, à New York, ils ont immersé les archives. Ils sont pas créés top. Il y a une partie des choses que nous, on choisit de bricoler de notre côté et de leur proposer. J'en sais rien. Par exemple, ce matin, moi, j'ai proposé un texte que j'avais composé à partir des différents éléments qu'on avait écrits ensemble dans les ateliers, en leur disant, ben voilà, moi, je propose cet agencement-là pour les phrases. Est-ce que ça vous va? Bon, là, personne n'a rien dit. Mais il y aurait eu la place si quelqu'un avait dit, ah non, mais moi, t'as mis cette phrase-là, j'aime pas du tout, machin, de la réécrire, de laisser les choses ouvertes, quoi. Et l'année dernière, on faisait ça aussi assez régulièrement. Ouais. On avance un peu, en gros, vu qu'on peut pas... parce qu'on n'a finalement pas tant de temps que ça, on ne peut pas tout décider collectivement. Ça pourrait être un idéal, mais en tout cas, là, ce n'est pas le propos. Du coup, on fait des exercices collectivement. Nous, de notre côté, à deux, on fait des choix arbitraires là-dedans. Et après, on les repasse devant le collectif en disant, je résume. Mais en gros, bon, là, voilà, sur tel truc, sur la chorégraphie, on a étudié 20 mouvements, c'était super. Bon, nous, on en choisit 4 et on vous propose ça. Est-ce que ça vous va? Oui, non, peut-être. Et on avance un peu comme ça, quoi. Après, ce matin, il y en a bien qui ont dit que le théâtre... Ils ne voulaient pas faire ça. Non, ils l'ont vraiment dit. Et la météo est un moment très, très important pour nous. C'est assez intéressant parce que dans ce genre d'endroit, et effectivement, est-ce que c'est l'institution? Est-ce que c'est le truc collectif? Est-ce que c'est aussi eux, comment ils sont? On n'arrive pas trop à savoir, mais il y en a un qui va dire quelque chose et les autres, ils vont dire la même chose. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc parfois. À quel endroit la singularité elle va arriver. Il y en a qui vont être hyper... il va savoir ce qu'il veut, etc. Et d'autres, ils savent pas trop. Ils sont pris dans la masse du truc. nous, on a, du coup, cette année, si vous venez voir le spectacle, vous verrez, on a fait aussi des entretiens. Du coup, on a fait comme vous faites avec nous. Pour, voilà, c'est parce que c'était le thème du voyage. Et donc, on s'est dit, on va aussi entretenir, on va faire des entretiens sur la question du voyage, mais du coup, sur la question aussi de bah, d'où viennent leurs parents, est-ce qu'ils ont déjà voyagé. Donc, voilà, donc, qui un peu traite de leur passé, de leur histoire et tout ça. Et du coup, bah, on a su un peu, voilà, on a, pour ceux qui parlent le plus, voilà, vu les. Toutes les conditions sociales dans lesquelles ils sont. Et donc pour nous, évidemment, c'est hyper important d'amener la musique à cet endroit-là et d'arriver à faire collectif. Et puis aussi que, effectivement, tout ce que nous, on développe dans la musique, c'est aussi, tu vois bien que le fait d'énoncer des choses, se déplacer en rythme, tout ça, c'est des choses qu'eux, ils travaillent au quotidien et qu'ils ont besoin de travailler pour bah, pouvoir être au monde de manière... plus conforme aussi, mais de manière plus aisée, quoi. Et du coup, en fait, tout ce que demande la musique, et bon, là, cette fois-ci, il y a le théâtre et tout ça, mais en fait, pour moi, c'est un peu pareil. Enfin, c'est la, c'est voilà, c'est savoir se mouvoir dans le monde, prendre la parole, et puis être face à des gens, etc. Ça, voilà, nous, on amène ça et dans quelque chose de, on peut dire créatif. Enfin, nous, on a une idée comme ça et qui nous fait envie et qu'on essaye de les entraîner tant bien que mal dans cette chose-là. Et pour moi, c'est ça, ce côté créatif, c'est qu'on n'est pas là à leur dire « Allez, il faut se déplacer, il faut savoir parler, etc. » On est là « Ouais, on va faire un spectacle, et puis si tu disais ça, et puis si on voyageait, et puis on va se déguiser, on aura des bagages, on va rentrer dans un train, et ça va être marrant. » À d'autres questions administratives ou j'en sais rien, ou géographiques, mais qui sont dans un endroit précis qui est le groupe de musique Kiki Flûte, et que là du coup on se pose parfois les mêmes questions et parfois d'autres, mais dans d'autres endroits, quoi, dans l'endroit de l'atelier, dans l'endroit du rapport humain avec d'autres personnes, et on cherche à avoir des idées ensemble, on confronte des idées, on n'est pas d'accord, enfin, ça ouvre un autre espace de discussion que juste celui de la production de morceaux, par exemple. Ou alors des morceaux qui n'ont pas les mêmes contraintes. C'est pas du tout pareil que si nous on réfléchit à quel morceau on va faire pour un nouveau morceau de Kiki Flûte, quoi. Donc ça vient enrichir aussi à cet endroit-là qu'on n'est pas aux mêmes endroits que quand on est juste Kiki Flûte, quoi. Ça fait qu'enrichir parce qu'en fait on prend des parties de nous, on les met sur la place publique, quoi. Et du coup, ça fait que les travailler, ça fait que les confronter. Ça fait qu'on se pose des questions ensemble beaucoup, et qu'on partage et qu'on cherche. C'est sûr, ça nous met pas du tout au même endroit. Et moi, en fait, j'adore, parce que voilà, je suis effectivement dans des mouvements collectifs, des mouvements politiques, des mouvements depuis des années et des années et des années. Et du coup, ça place la musique là où j'ai envie qu'elle soit. Enfin, même si effectivement le concert, la fête et tout, c'est un endroit où je trouve qu'il faut être et qu'il faut faire de la musique intéressante, puissante. Moi, je pense que l'approche de faire aussi en fonction de ce qui se passe, elle vaut partout. Enfin, elle est, ouais. On a, après, même individuellement, on a chacun nos vies, nos traumas, nos machins, nos déficiences propres, psychiques, affectives, j'en sais rien, tu vois. Et que cette idée-là de faire en fonction de ce qui se passe, pour moi en tout cas, elle est valable dans toutes les pratiques. C'est une tentative en plus à chaque fois, c'est tout le temps potentiellement un échec et à chaque fois on passe à côté des trucs et des gens et on essaye, on n'y arrive pas et on réessaye. C'est pas un truc qui fonctionne, quoi. C'est juste une volonté, quoi, et qui est applicable effectivement indépendamment des gens avec qui on fait des trucs. On sait tous les deux que le théâtre, la musique, tout ça, ça fait une partie de plaisir. Sauf que quand il y a des gens qui sont attentifs à toi, comment tu as envie d'apprendre cette musique, ce théâtre et tout ça, comme nous on essaie de l'être par rapport à eux, et ben là, ça demande une concentration qui est extraordinaire et que c'est un plaisir d'apprendre. Sauf que ça demande du travail, de la concentration, un peu de discipline et tout ça. Et qu'après, on va s'éclater sur scène, on va s'éclater parce qu'on aura tout accumulé de ces moments-là, quoi. Là, on a quelque chose avec Seb où on est super d'accord sur ça. On travaille vraiment, quoi. Enfin, on fait vraiment de la musique, on fait vraiment du théâtre, on fait vraiment de la danse. Et l'éclat, ça fait partie de ça. Parce qu'au final, c'est pour s'éclater qu'on fait ça, quand même. Ça m'a plu de parler dans le micro et s'entendre, c'était cool. Ça m'a plu aussi. Vous allez venir le 21 avril. Ouais. Il faut venir, c'est au Renard Pince. Et le 1er juin à l'IME. À plus tard. Merci à Camille, Cassandra, Gab, Gorka, Gwendoline, Mathieu, Melia, Nolan et Seb, aux éducateurs, éducatrices et personnels de l'IME de Carrelaz, au presbytère de Douarnenez, d'avoir participé au rendu possible ces enregistrements. L'orchestre embarqué, montage réalisé pour Vide Radeau, moment autour de la santé mentale, avril 2023.